Bonsoir. Décembre 2025. Ninjam Session. On n'est pas impatient. Vous nous aurez pas à l'usure. Enveloppé par une bonne intention, je veux être enveloppé d'une bonne intention. Tu veux être enveloppé par une bonne intention. Parce que tu sais que tu as raison. Donc, tu continues. Tu sais que tu es conditionné. Non. Tu sais que tu veux. Faire une bonne action. C'est glissant. pavé. Qu'est-ce que tu crois? Jouer d'avance. C'est glissant. On se croirait dans Netflix. Glissant. On l'avait prévu. On savait que ça allait mal. Ça dégouline de partout. Glisse. Si tu veux pas que ça glisse, fils. Si tu veux pas. Glisse. J'ai pas tardé à glisser parce que c'est gluant. J'ai pas tardé à être évacué, glissant entre les fissures, frôlant les tombes et leurs murs. Thank you. pioche, je prends la force. Les apparences. C'est du live, c'est une vraie voix, un vrai clavier aussi, je sais pas quel clavier, à travers tellement de filtres, comme sur un tapis volant, je ne sais plus où je vais. Avec qui ? Pourquoi ? Comme sur un tapis. Comme sur un... Voilà. Tapis. Voilà. Comme sur... tapis vole. En route pour l'Orient, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Ici et maintenant. Tellement glauque. La guerre. Les guerres. War in the East. War in the West. Wodanza. J'aimerais être comme sur un tapis volant avec, comme sur un tapis volant, à peine absorbé par. Tapis volant, à peine absorbé, posé, tranquille, comme sur un tapis, comme sur un tapis, comme sur un tapis, comme sur un tapis. Volant vers des cieux plus ambitieux, mais pas toujours bien entouré. Volant vers des cieux beaucoup plus ambitieux. Volant. Vers des cieux plus ambitieux. Volant. Comme sur un tapis volant. Porté par une espèce de vague. Porté par la beauté du sang, la pureté. Bye bye bye bye bye.